Merci de rester à l'écoute et bienvenue à cette édition présentée en langue française, dont voici d'abord les principaux titres. Le Conseil national de la communication CNC appelle les autorités à fournir des informations lesquelles contribuent au développement du pays. Propos de la présidente de ce conseil ce jeudi, c'était lors de la présentation du bilan des réalisations de l'année 2023 à 2024. Le ministère de l'Éducation prévoit la réhabilitation des universités publiques tout en précisant que le ministère est en contact avec la communauté des jésuites en vue de réhabiliter le campus Kilili. Le ministre François Habyarimana réagissait par rapport aux inquiétudes des députés à l'Assemblée nationale ce mercredi sur le délabrement des locaux dans les campus des universités publiques. Et dans la rubrique politique, l'évêque du diocèse catholique de Bururi a appelé les responsables administratifs, politiques et religieux d'éviter toute forme de violation des droits de la personne humaine. C'était lors d'un atelier de deux jours sur leur rôle pour un pays paisible. Tout de suite, vous aurez des détails. La mise en onde est assurée par Albert Ndouaïo et à la présentation, vous êtes avec Ornella Mucho. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. Bienvenue encore une fois. Le Conseil national de la communication, CNC, prévoit de dialoguer avec les autorités de l'intérieur du pays dans le but de dissiper les mésententes qui s'observent des fois avec les journalistes. Ces propos sont tenus par la présidente de ce conseil ce jeudi lors de la présentation du bilan des réalisations de l'année 2023 à 2024. Espérance Ndaïdeye appelle les autorités à fournir les informations car ces dernières contribuent au développement du pays. Nous prévoyons beaucoup d'activités, dont des rencontres avec les autorités et les journalistes de l'intérieur du pays, car ce sont eux qui rencontrent beaucoup de problèmes. On compte tout faire pour qu'il y ait un climat sain entre eux, qu'ils puissent se comprendre, que chacun comprenne sa tâche, car si cela est fait, ils pourront bien collaborer. On espère que les réunions que nous allons organiser porteront des fruits. Nous allons les sensibiliser pour leur dire que s'ils restent silencieux, que cela n'avantage rien au pays. Si cela est une information utile qu'ils détiennent. Je dirais que je viens passer peu de temps à ce poste, mais ce n'est pas très peu. J'ai déjà vu beaucoup de situations, mais j'ai remarqué que les journalistes ont une volonté de s'entendre avec les autorités. Il y a eu des imperfections dans les journaux. Nous avons approché les responsables des médias pour discuter à propos de ce qui s'est passé, afin que nous ayons une même lecture des faits. Tout ce qui avait été demandé a été mis en exécution. J'ai dit qu'un journaliste doit prendre à cœur de diffuser une information utile pour la population et non une information qui crée la zizanie. J'appelle les autorités à donner les informations pour que ces dernières puissent aider la population. Espérance Ndaïdeye, présidente de la CNC, était traduite en français par Sheila Irambona. Le ministère de l'Éducation est en contact avec la communauté des jésuites en vue de réhabiliter le campus Kilili, une annonce du ministre François Habyarimana en réponse aux inquiétudes des députés sur le délabrement des locaux dans les campus des universités publiques. Lors de sa descente dans les 8 campus, la commission chargée de l'éducation affirme avoir constaté ce défi. Mireille Kanyang. Les défis majeurs communs aux 8 campus des universités publiques visitées sont notamment la suppression des restaurants et halls universitaires. Le délabrement de ces halls a retenu l'attention des élus du peuple. Les députés Chimilimana Jean et Gwasa Agaton reviennent sur le campus Kilili. Répondant en général au problème de délabrement des hommes et infrastructures pour ces 8 campus, le ministre de l'Éducation François Habyarimana indique que la réhabilitation se fait pas à pas et selon les budgets alloués à l'Université du Burundi et à l'École normale supérieure, particulièrement pour le campus Kilili. Le ministre de l'Éducation a informé que son ministère a déjà mené des contacts avec les pères jésuites pour la réhabilitation du dit campus. Kilili nivyo kuri ravingeni meze Le ministre de l'Éducation a informé que son ministère a déjà mené des contacts avec les pères jésuites pour la réhabilitation du dit campus. Malgré ce délabrement, le ministère de l'Éducation se félicite de la réhabilitation totale de l'ancienne faculté d'agronomie et de bio-ingénierie de l'Université du Burundi, ainsi que des travaux en cours à l'école normale supérieure. Toujours page éducation, des écoles provisoirement fermées pour effectifs trop bas d'élèves en province Lomongué ne peuvent pas réouvrir leurs portes aussi longtemps que la situation reste inchangée. C'est la déclaration d'Anissé Nyandoui, directeur de la province scolaire de Lomongué, qui réagissait aux doléances de certains parents d'élèves qui réclament leur réouverture afin que leurs enfants fréquentent des écoles proches. Jean-Pierre Misago. C'est surtout en commune Wuyengero, lors des récentes descentes zonales du gouverneur de Lomongué, où certains parents d'élèves ont formulé une demande en faveur de la réouverture des écoles provisoirement fermées pour manque ou effectif réduit d'élèves. Ces parents disent avoir en effet beaucoup investi pour la construction de ces écoles afin que leurs enfants fréquentent des écoles proches. Anissé Nyandoui, directeur provincial de l'éducation de Lomongué, réagissant à cette demande, dit qu'il ne vaut pas la peine de réouvrir ces écoles sans élèves en nombre acceptable, car une école le devient lorsqu'elle a assez d'élèves. Par ailleurs, poursuit Anissé Nyandoui, la demande de la réouverture de ces écoles sans enseignants est celle de la suppression ou l'allègement du joug occasionné par les frais de vacatariat sont deux demandes contradictoires. Plus d'une cinquantaine d'écoles sont provisoirement fermées dans la direction provinciale de l'éducation de Lomongué. Depuis plus d'une année, les élèves ont été réorientés dans d'autres écoles proches et dans les mêmes niveaux et sections, et les enseignants réaffectés ailleurs. Jean-Pierre Misago depuis Lomongué, Radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Page politique à présent, l'évêque du diocèse catholique de Bururi appelle les responsables administratifs, politiques, religieux à éviter toute forme de violation des droits de la personne humaine et à ne pas perdre l'identité humaine. Suite aux prochaines élections, Mgr Salvatore Niciteletse a lancé cet appel ce mercredi dans son discours de clôture d'un atelier de deux jours sur le rôle pour un Burundi prospère, paisible et réconcilié. Un atelier organisé à Bururi pour par le cabinet du gouverneur de cette province, le diocèse catholique de Bururi et le consortium pour la paix et la réconciliation Zénon Nzambimana. Les divisions ethniques chez certains investisseurs dans l'ethnie, le népotisme dans le recrutement des employés dans certains services, la corruption se retourne dans le secteur de la justice et les cas de violation des droits de l'homme sont parmi les facteurs qui handicapent le développement, selon les participants à cette réunion. Pour sortir de cette situation, ils appellent tous les Burundais à éviter toutes sortes de divisions et à travailler en respectant la loi et à la justice, de punir sérieusement ceux qui passent outre la loi. Les participants ont également a proposé qu'il y ait des centres de rééducation citoyenne, même à Bururi, pour que les Burundais changent de mentalité et développent le bien commun qui est le Burundi. Monseigneur Salvatore Niciteletse a appelé les responsables administratifs, politiques et religieux qui participaient à cette réunion à éviter sans exception aucune toute forme de violation des droits de la personne humaine et à éviter de perdre l'identité humaine suite aux prochaines élections pour arriver au développement, car même après les élections, la vie continue, selon Monseigneur Salvatore Niciteletse. Il a lancé cet appel ce mercredi lors de la séance de clôture de cet atelier de deux jours organisé à Bururi par le cabinet du gouverneur de cette province, le diocèse catholique de Bururi, le consortium pour la paix et la réconciliation dans le but d'échanger sur leur rôle pour un Burundi prospère, paisible et réconcilié pour atteindre la vision du Burundi émergent en 2040 et développé en 2060. Depuis Bururi, Zenon Zabimana pour la radio Isanganiro. Merci Zeno. Page santé à présent, certains participants dans un atelier d'information sur la mutualisation des risques de maladies organisé ce mercredi par l'association World GVC estiment qu'il est difficile au Burundi d'accéder au développement durable sans comprendre l'importance d'adhérer dans les mutualités de santé. C'est pour cela qu'ils souhaitent que le gouvernement mette en place une loi prenant l'adhésion obligatoire de tout citoyen à une mutualité de santé. Ils l'ont soulevé ce mercredi au chef-lieu de la province Kayanza dans le cadre du projet Twivu Detwese. Patrick Sengayomba. 13 mutualités de santé communautaires sont comptées dans la province Kayanza avec plus de 11 000 adhérents. Selon Doussabe Rosine, responsable provincial à Kayanza, au sein du secrétariat permanent de la Commission nationale et de la protection sociale. Celle-ci fait savoir que l'un des défis majeurs à la forte adhésion de la population dans des mutualités de santé est principalement le manque d'une loi exigeant que chaque citoyen burundais soit membre adhérent d'une mutualité de santé selon les moyens dont il dispose. Même propos avec Dr Pascal Nyonzima, médecin directeur provincial à Kayanza. Celui-ci appelait la population à Kayanza à adhérer massivement dans des associations de mutualité communautaire afin d'avoir un accès facile à des soins médicaux dans différentes formations sanitaires. Pourtant, certains des participants à cette séance d'échange et d'informations sur la mutualisation de risques et maladies de ce mercredi à Kayanza ont évoqué le problème selon lequel on adhère dans de telles associations et en cas de maladie, on est obligé de s'acheter certains des médicaments prescrits par les prestataires des soins ailleurs dans des pharmacies. À cette question-là, Dr Pascal Nyonzima, médecin directeur provincial à Kayanza, a indiqué que le problème réside au sein de la centrale d'achat des médicaments essentiels du Burundi, qui ne parvient pas à satisfaire toutes les commandes faites par des districts sanitaires en médicaments. Malgré tous ces défis évoqués, les participants à l'atelier se sont convenus qu'en attendant que toutes ces questions soient résolues, des administratifs et des leaders religieux en province Kayanza vont redoubler d'efforts dans des sensibilisations auprès de la population pour que le taux d'adhésion dans des mutualités de santé communautaire puisse s'élever. Depuis Kayanza, Patrick Nsengu va pour la radio Isanganiro. Merci Patrick. Certains natifs de la province Lumonge ont le souci de savoir si l'aménagement des sites touristiques, notamment de Mugara et d'autres, est ouvert à tout le monde. Ils l'ont soulevé ce dimanche dans une réunion tenue à l'intention des natifs de cette province. D'autres ont souhaité qu'il y ait un agent de santé pour examiner l'état de santé des personnes qui fréquentent les eaux thermales. Léonard Nyonsaba, gouverneur de la province Lumonge, a indiqué que les portes sont ouvertes à tous ceux qui le peuvent, mais en respectant le schéma déjà préparé par l'administration Jean-Marie Mayonga. Dans cette réunion des natifs de la province de Lumonge, plusieurs questions étaient soulevées pour savoir si les personnes qui travaillent dans le domaine du secteur privé peuvent avoir l'autorisation dans les activités d'aménagement de ce site touristique des eaux thermales. Les autres ont voulu savoir pourquoi dans ces endroits, il n'y a pas un infirmier pour mener de premiers secours puisqu'il a été constaté que certains gens rencontrent des problèmes au niveau de leur santé après avoir entré dans ces eaux thermales. L'administrateur de la commune Lumonge a précisé que les eaux thermales de Mugara, aujourd'hui, est dans les mains de la commune. Et ceux qui veulent travailler dans son domaine, il a précisé que les autres endroits où peuvent trouver ces eaux thermales, comme à Karagara et ailleurs, les gens peuvent y visiter. Léonard Nyonsaba, gouverneur de la province Lumonge, de son côté, il a appuyé l'administrateur de la commune Lumonge en invitant tous les investisseurs privés à venir travailler dans ce domaine, mais tout en respectant le schéma déjà préparé par l'administration. L'aménagement de l'Otremar de Mugara ainsi que d'autres sites touristiques comme Otremar, il y a aussi Otremar à Karagara. Et on a actuellement, je voudrais vous dire que Otremar de Mugara fait entrer dans la commune de Lumonge par an une somme de plus de 60 millions. Alors on a fait des études à l'aide du ministère des infrastructures et on a maintenant un schéma. On est en train d'inviter, d'intéresser tous les partenaires, commencer par les natifs et la diaspora et d'autres partenaires pour qu'ils viennent. Parce que dans nos programmes, on veut que l'autre mois de Mugara entre dans la commune Lumonge une somme au minimum de 300 millions. Alors, c'est la raison pour laquelle on invite quiconque qui est capable de venir se référer au document qui est déjà en place. Dans cette réunion, d'autres questions ont été posées comme la protection de l'environnement et le suivi des activités qui se déroulent sur la route nationale numéro 3 afin que cette route soit bien réhabilitée. Rendons-nous à Gitega avant de mettre fin à ce journal. Un travail de recherche sur le cordier africana ou Umuvuga Ngoma Kirundi qui sert de fabrication des tambours burundais est nécessaire. Le motif avancé est que le taux d'assèchement des plants de cette espèce est alarmant, indique le responsable du site des tambours sacrés d'Ogishura, commune Guiheta, province en province Gitega. Oscar Nshimirimana révèle que sur 700 plants de cordier africana, plantés l'année dernière, environ 600 parmi eux se sont asséchés. Gérard Nibigira. Le responsable du site du sanctuaire des tambours sacrés du Burundi de Gishora, commune Guiheta, province Gitega, Oscar Nshimirimana, indique que les plants du cordier africana, l'arbre servant de fabrication des tambours burundais, sont moins résistants et s'assèchent à un taux alarmant. À titre illustratif, il signale qu'un sur 700 plants de cordier africana que les tambourinaires de Gishora ont plantés l'année dernière, seuls environ 100 parmi eux ont pu pousser, les autres ayant été asséchés. Il dit que différents insectes les attaquent malgré la pulvérisation des insecticides. Il propose donc un travail de recherche sur cette espèce afin de connaître ses faiblesses et savoir comment l'entretenir une fois plantée. À propos, le chef d'antenne provinciale de l'Office burundais pour la protection de l'environnement, OBP, à Gitega, Jean-Marie Hatungimana, reconnaît lui aussi que les plants du cordier africana sont très vulnérables et moins résistants, mais essentiellement pendant la saison sèche ou pendant la période de faibles précipitations. C'est ainsi donc qu'il conseille ceux qui plantent cette espèce d'arbre de le planter dans un sol riche et de l'entretenir par des séances de pulvérisation des insecticides chaque fois qu'il y a besoin. De son côté, Iradukunda Félicité, villageoise de Gishora, fait savoir qu'elle ignore le cordier africana alors que cette espèce est normalement plantée dans les champs des villageois à l'heure ainsi. Elle réclame alors des séances de sensibilisation sur cette espèce qui deviendrait connue de tous pour qu'il l'entretiennent une fois le retrouver dans leur chat. Sachez en fait que les tambourinaires de Gishora ont une coutume de planter chaque année de nouveaux plants de cordia africana pour remplacer les plants asséchés ou détruits. Depuis Gitega, Jean Ibigira pour Radio Isanganiro. Merci Gérard Nibigira et c'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi à la présentation. Vous étiez avec Ornella Mucho.